بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم كتاب تعبير الجزء الثالث. Le livre de تعبير expression orale niveau 3. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Martiniki حفظه الله تعالى. الدرس الرابع عشر 14e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الدرس السادس من الكتاب من الوحدة الخامسة بعنوان شجرة جوز الهند وتيتر لابر دو لانوا داند et en réalité c'est la noix de coco. Et nous on appelle ça le cocotier. Mais littéralement parlant, juz c'est la noix et hind c'est l'Inde. فالآن سيكون النص حول الاستفادة من تلك الشجرة. يقول الكلمات الجديدة. أولا جوز الهند. الهند عفوا. جوز الهند. Donc en fait جوز الهند c'est la noix de coco. Roba, c'est les forêts. La faune, ça pourrait être également la jungle, la brousse. Tout est partout, il y a beaucoup de végétation. Manatiq, c'est le djem de Mantiqa. Ce sont des régions. Des régions. Taouloun, là c'est la longueur. Taouloun, c'est la longueur. Kathura, yakthuru, pour dire, il y a une chose qui se multiplie, en grande quantité. Ashbaha, yushbihu, ça ressemble. Même si on dit ashbahu tout court, c'est ce qui ressemble le plus. Ce sera isme fa'il. Un isme tordil, je veux dire. Qarra. Qarratun. C'est un continent. Amtaza. Yamtazu. C'est se distinguer une chose. Aza. Yamtazu. Bi. Khsa'is. Fadilan. Ça va pas dans le texte, inshallah. Ghilafun. Ghilafun. C'est tout ce qui est. Ça pourrait être une couverture d'un livre, une grève. Ça pourrait être la coquille d'un aliment, comme là ça va être le cas avec la noix de coco. Ça peut être une couche de quelque chose. Voilà. Relève. Ça peut être aussi. C'est une chose qui recouvre. On dirait comme ça. Tasarraba yatasarrabu, ça c'est s'infiltrer. Et tekhallala yatakhallalu, c'est à peu près un sens similaire. C'est s'infiltrer dans quelque chose. Tu verras la différence dans le texte, inshallah. Mais c'est deux sens à peu près similaires, synonymes. La nitakhallala, c'est s'insérer dans quelque chose ou. Quel est le mana? Sulbun, mana solide. Comme un kaloum, kawiyun. Sulbun, c'est une chose solide. Chose dure. Rigide. Lubbun, ce serait la pulpe ou la chair de quelque chose. Mais pas dans le sens lahm. Ce serait plus, moi je l'ai souvent eu ce mot-là, plus employé pour les fruits, les légumes. C'est la partie intérieure. Comme par exemple, lorsqu'on dit l'oubou, le protocole, la pulpe, la partie intérieure. Tu vois, ou le couchour, c'est les épluchures. De là même vient là, cette jumla khabitha des Ikhwan qui disent que le din, il y a un quasimou, il est couchour ou l'oub. Le couchour, c'est les épluchures, fais pas attention. Et l'oub, c'est ce qui m'intéresse, c'est la pulpe de la chose. Tu vois, c'est-à-dire qu'il va sortir tout ce qui est sunna apparente. Pour se concentrer soi-disant sur le prioritaire. Même tu dis ça. que la religion se divise en des épluchures, les choses apparentes et superficielles, et les choses primordiales. Non, pas ce terme-là. Kouchour, c'est les épluchures, la peau extérieure, et loub, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, la pulpe, tu vois, ou la matière première du fruit. Ouais, le djaouza. Djaouza, c'est le noir, tout seul. Aswaq, c'est le djem de souk, c'est le lieu de commerce, marché ou ainsi de suite. Ihtiwa, en fait c'est ihtawa, je sais pas pourquoi ils ont mis une casserole sur le thé, c'est ihtawa, ihtawi. C'est renfermer, renfermer quelque chose, comprendre quelque chose, quand on dit comprendre, intérieurement. Je trouvais contenir. Aussi. Aussi, le fait d'avoir quelque chose à l'intérieur. Ça va venir dans le texte. Shem'un, ça c'est les bougies. Cire de bougies. Ida'atun, ça c'est tout ce qui est luminaire. Ça c'est éclairé. Tabarqa, c'est conservé. Tabarqa et tabarqa. Ça vient de Baqiyya. Tabarqa, la wa stafa'ala. Istikhdam, istikhdama yastakhdimu, c'est utiliser, employer, chose. Istikhdama, c'est le du mot, c'est quoi l'origine du mot, istikhdama? Khidma. Le mot khadama, qui veut dire servir. Là, t'as ajouté le ist, le hamza, le sin et le te, mimma yadul, ala talab. Vouloir utiliser quelque chose, servir de quelque chose. Alafun, ça c'est du ta'am. Alafun, comme dans le texte ça veut dire, c'est la nourriture du bétail. Aliafun, c'est le djem de lif, qui veut dire des fibres. Aliaf, djem, lif, des fibres. Ou le fourouche, c'est le djem de firache. Et fourouche et firache, ça s'applique sur plein de choses. Ça peut être, c'est tout ce qu'on étale par terre, à la base de firache. Tout ce qu'on étale par terre. Ah, c'est pas mobilier. Hein? Pas forcément, c'est tout ce qu'on étale par terre. Mobilier serait plus afaf. Ma firache, tu peux envoyer pour le lit, par exemple, si c'est par terre. Tu peux envoyer pour un tapis. Tu peux envoyer pour un paillasson. Tu peux employer pour des choses qui en fait qui se posent par terre, à la base. Non, tu vas pas dire firoche pour des meubles. Asrun, c'est un temps, une époque. Mahsoul, c'est une chose obtenue. C'est le ismafoul de Hassola Yahsoulou. El halwa, halwa, c'est les sucreries, ce genre de choses. Confiserie, ça pourrait être. Ou el nakhla, ça c'est le palmier. El nakhla, ça c'est le palmier. نعم فنقرا الان النص يقول تكثر اشجار جوز الهند في الغابات que les cocotiers se multiplient dans la faune les forêts في مناطق الحاره من قاره اسيا dans les régions chaudes du continent d'Asie. Asia, c'est l'Asie. Wa Ifriqiya, c'est l'Afrique. وأمريكا أمريكا وتمتاز شجرة الجوز الهندي بالطول et que le cocotier se distingue par sa grandeur, sa longueur. C'est grand, un arbre qui est grand, il est long. حيث يبلغ ارتفاعها أحيانا 50 قدما. De telle sorte que parfois sa longueur peut atteindre les 50 pieds. 50 pieds. ويتشبه النخلة التي في بعض البلاد العربية. Qui ressemble aux palmiers qui se trouvent dans certains pays arabes. Mais là, les palmiers, celui qui donne les dates. ولكن ثمرها له غلاف خارجي قوي حتى لا يتسرب الماء إلى داخلها. Cependant, là, il parle du cocotier. Il a un fruit recouvert d'une une couche extérieure solide pour ne pas que l'eau puisse se filtrer à l'intérieur. كما أن لثمرة غلافا آخر يتخلله الهواء. Et ce fruit a également une autre couche, hein, à travers lequel justement le l'air peut rentrer. Il peut s'infiltrer justement. C'est là qu'on voit la différence entre khallala et tasarraba. Tasarraba, c'est plus pour de l'eau qu'on emploierait. Et tasarraba, c'est pour une chose qui rentre à l'intérieur d'une chose. وغلافا ثالثا خشبيا صلبا يحمي لب الجوزة. Et une autre couche encore, une troisième couche. Comme du bois, ça c'est la dernière couche qu'il y a dans notre coco. Ce qui fait un peu comme du bois là. Ce qui est le plus dur, quoi. Ce qu'il faut que tu casses pour pouvoir avoir le fruit blanc à l'intérieur et le lait. Qui protège justement, on va dire, la chair de la noix, la partie blanche qu'il y a à l'intérieur. Comme tu as dit, c'est comme c'est la partie finale, à casser, dernière étape pour pouvoir. Pouvoir savourer le fruit. وفي ثمرتها سائل يقال لها أو له لبن جوز الهند. Et à l'intérieur, il y a un liquide qui s'appelle le lait de la noix de coco. Marlouf. C'est là que tu vois là, on dirait de l'eau, c'est transparent. Afwan, sous le ban yahmi, l'eau ban jouzi. Aïwa, une troisième couche en forme de bois, comme du bois, dur, solide. Un hami, c'est pas. Yahmi. Yahmi, c'est dur. Non, c'est ça le bug qui est dur. Yahmi, c'est qui protège. Oh, c'était chaud. Chaud, c'est had. Là, c'est protégé. Par exemple, le mot muhami, c'est quoi muhami? Quelque chose qui est chaud. Non, c'est un avocat. Un avocat dans les tribunaux. Ah bon? Il défend. À la base, il défend ses droits en disant. Ça vient de ce mot-là. Non. ويباعوا ثمر جوز الهند في أسواق. Donc son fruit est vendu dans les lieux de commerce. ويشتريه كثير من الناس. Et beaucoup de gens l'achètent. لأنه طعام وشراب فيأكلون لبه ويشربون لبنه وهو شراب لذيذ. Car il fait office en même temps de nourriture et de boisson. Quand on fait les deux en lui. Donc les gens mangent de sa chair et ils boivent de son lait. Et que sa boisson est délicieuse. Le lait, il est bon. Donc il dit... Ces pays dans lesquels pousse le cocotier, Tamnou là, ou Tanmou à Fouen, Tanmou, c'est dans lesquels pousse, prospère, on va dire, je pense comme ça. Vous voyez, elle a dit Tanmou, ils exportent en fait. Si certains de ses fruits dans les pays, dans d'autres pays. Par exemple, les pays qui cultivent le cocotier exportent de ses fruits à l'étranger, dans d'autres pays. وَيُعَدُّ جَوْزَ الْهِنْدِ مَحْصُولًا مُهِمًّا. Et que l'entrecôte est considéré comme étant un produit important. Quand on dit marsoul, c'est une chose que... montage, comme on avait dit, c'est un produit. في بعض بلاد العالم مثل الهند واندونيسيا وفلبين ونيجيريا وغانا وغيرها. Dans des pays tels que, dans les pays du monde, comme l'Inde, comme l'Indonésie, comme les Philippines, comme le Niger, comme le Ghana et autres. Dans plein de pays, tu vas trouver le cocotier. Mais tous des pays chauds. Au climat, on va dire, plutôt exotique. ويحتوي لب الجوز على زيت يستخدم في صناعة الحلوى والشمع ويستخدم في الإضاءة والطهي. Donc il dit que la cette chair justement de la noix de coco contient, enferme, hein, de quoi faire de l'huile qui s'utiliserait pour fabriquer des confiseries, des sucreries ou la cire à bougie. Ou également pour des luminaires ou pour la cuisson. Les luminaires, c'est comme par exemple, je sais pas moi, peut-être ce qu'ils veulent dire par là, l'huile à pétrole, l'huile à lampe à pétrole, la salade. Bon, Tohi, c'est la cuisson. وأما ما يتبقى من ثمر جوز الهند بعد عصره واستخراج زيته فإنه يستعمل غلافا للماشية. Donc il dit, quant à ce qui reste, après que tu lisais ce qui reste, ce qui demeure, ce qui est conservé, du fruit de la noix de coco, après qu'elle ait été, elle a fait son temps, mais je sais pas si ça veut dire faire son temps là ou qu'elle a été pressée. Tu vois, c'est ça l'histoire. Et que tu en es sorti son huile, le reste est utilisé comme quoi ? Comme nourriture pour le bétail. À la fin, les maachia. Maachia, c'est le bétail. Les troupeaux. وتستخدم الياف وشجرة الجوز الهند في صناعة الحبال والفروش. Et que les fibres, on utilise les fibres du cocotier dans la fabrication de cordes, d'accord, des choses, firoche, on a dit firoche, tout ce qui est, comment on dirait ça, tout ce qui est... Habillement du sol. Par exemple, habillement du sol ou autre. Non. تمام فهذه من فوائد شجرة جوز الهند. On va commencer un petit peu aujourd'hui. Le texte on l'a lu. On va commencer certain. D'accord que tapte, Bad Ashia. Yakul et Adrib el Awel. Premier exercice. Akmil el Jumel Taliata Bistirdem ma bede la Koussain Kemafil Namouzaj. Yakul el Namouzaj Jaouz el Hind Robat el Manatik el Harra. Quand tu as trois mots, ou plutôt tu as deux parties entre parenthèses, tu dis Jawz al-Hind, qui est la noix de coco, wa Rabat al-Manatik al-Harra, qui est les forêts dans la faune plutôt, la faune des régions chaudes. Donc la phrase est devenue Tantajiru Ashjaru Jawz al-Hindi fi Rabat al-Manatik al-Harra. Que l'arbre, du moins le cocotier, s'étend, ou plutôt se répand, dans la faune des régions chaudes. peut se séparer avec les autres phrases en dessous. Al-Qatn, Misr. Al-Protocole, Philistine. Al-Nahl, Al-Saoudia. Al-Mouz, Al-Somal. Al-Tufah, Lubnan. Al-Zaytoun, Tunis. Al-Qatn, Misr. Al-Qatn, c'est le coton. Misr, c'est l'Égypte. كيف تقول؟ تنتشر الأشهر القطن في مصر. نعم. البروتوكول فلسطين. البروتوكول هي الأورانج. فلسطين هي فلسطين. تنتشر أشجار البرتقال في فلسطين. نعم. النخل. السعودية تنتشر أشهر أشجار النخل في السعودية. ما الفرق بين النخل والنخلة؟ quelle différence on dirait entre النخل والنخلة النخلة tout C'était la courage de la fin. C'est quoi la différence qui l'amène? Quand on te dit Nahl sans le T, ça c'est Ism Jins. C'est l'espèce de l'arbre. Le palmier, c'est-à-dire dans son ensemble. Et Nahla, c'est un palmier. Alors, c'est comme tu dis, elle. تحب التفاح أو هل تحب التفاحة؟ Si je te dis est-ce que tu aimes هل تحب التفاح؟ Est-ce que tu aimes la pomme de façon générale? Tu vois, la pomme, le fruit de la pomme. Est-ce que tu l'aimes? Qu'elle soit rouge, qu'elle soit jaune, qu'elle soit verte. Est-ce que tu aimes la pomme? Si je te dis هل تحب التفاحة? Est-ce que tu aimes la pomme? Par exemple, ce que je viens de te donner à l'instant là, cette pomme là, en fait, une seule. Est-ce que tu aimes la pomme? C'est-à-dire que je viens de te donner, par exemple. C'est comme tamr, tamra. Quand on dit tamr, c'est la date, c'est l'espèce de la date. Et tamra, c'est une date. Vous voyez ? C'est comme shajar, shajara. Pareil. Bakar, bakara. Le mot qu'empalte, il définit l'espèce, la race, le spécimen. C'est qu'un thé, il définit un seul. Vous voyez ? Un seul. الموز الصومال تنتشر أشجار الموز في الصومال ما معنى الموز موز بنان بنان الصومال في الصومال التفاح لبنان تفاح أشجار التفاح في لبنان التفاح سي لا بوم لبنان سي ليبان ثالثا الزيتون تونس دونك تونس تونس زيتون سي لوليف تونس سي تونسي تنتشر أشجار الزيتون في تونس في تونس tu l'as fait le ثاني طيب جاتنا في الآن التدريب الثاني يقول كون مما بين قوسين فيما يلي جملة مفيدة مفيدة ذلك مفيدة سي نرى جملة مفيدة كما في النموذج donc tu emploies les mots entre parenthèses pour en faire des phrases sensées يقول مثلا ثمار جوز الهند après خبز après محبوب donc c'est devenu comment يصنع من ثمار جوز الهند خبز شعبي محبوب donc on fabrique à partir de du fruit à partir du coco on va dire un خبز un pain populaire apprécié a déjà aimé. Charbi, c'est une chose populaire. Vient le mot charb. Donc, je fais pareil avec les mots qui sont en dessous. Alief, on a dit que c'est le jamme de l'if qui veut dire fibre. Nakhl, c'est le palmier. Fourouche, jamila. Fourouche, c'est les choses qu'on tape par terre. Ou ainsi de suite. Faddal. Yasna, alif, min nakhl. Les fourouches, le jamila. لا يصنع من ها أليف النخل. أيوة. فروش جميلة. C'est-à-dire on confectionne à partir des fibres du palmier des beaux fourouches. Fanyen, juzur al-ahjar, menzilun sarirun. Juzur, c'est les troncs. Yusna'u, c'est un. Là, c'est à quoi le verbe? Ala waz yufa'alu. Yuktabu, yus'alu. C'est ra'ib, c'est l'azil et l'insama fa'ilu. L'azil et l'insama bimabni le majhoul. Ma'anna hadil ibara kon muktakidat, lakin, c'est pour que tu comprennes ce qu'on veut dire. Yus'na'u min juzuri, min, eh, min juzuri l'ajjar, menzilin sughirun. C'est-à-dire, on fabrique, on bâtit à base de troncs d'arbres. Des petites maisons. Thamaru al-mawz, ta'amun naziz. On va dire la banane, ta'amun naziz, nourriture délicieuse. Testeur de mel yasla? Ou testeur de tadbakh, tibakha? Kif? Yudbihu, yudbahu. Tu fais comme tu veux, yusna'u, tu peux dire sana'u, tu peux dire sana'a ta'aman. À confectionner ma. Juste nous avons une thémarat al-mouz, ta'amun ladidun. Non. Jarid al-nakhl, sarirun kawiyun. Donc jarid là, c'est les feuilles. Les feuilles du palmier. Sarirun kawiyun, c'est. Des lits solides. Sarir sera un lit. Ça porte aussi un divan. Lubbu jawz al-hind asirun rakhisun. De la chair de coco, un jus pas cher. Bon marché. يصنع من لب الجوز الهندي عصير رخيص. أيضا في النغة إذا كنت جوز الهند جوز الهندي ولو اسمه علم ماذا؟ ما تكتب مثلا الفاتحة بالنسبة اسم العالم؟ لا لا ألف واللام موجود. تمام. تجي ممنون من صرف. سي ألف واللام سي ألف. تمام. سي ألف واللام أو ميم لي مضاف يبرون كسرة. دونك لا الشروط سون با بريزون بور بوغ ميتر فتحة. Même tu dis tout le temps le hind, je connais que hind avec Alif Wallam. Ada Jamin el Hind. Tu vois, il vient d'Inde. Toujours vu Alif Wallam, j'ai pas vu sans Alif Wallam. Eh ben, hind sans Alif Wallam, c'est le nom, le prénom d'une femme. Man hiya hind. C'est qui hind? Il y a deux femmes connues qui s'appellent hind parmi les sahabiyat. Une plus que l'autre. Umm Salama, son prénom c'est hind. Projet de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, c'est la femme de Abu Sufyan, Hind, elle s'appelait aussi. C'est les deux que je me rappelle, là. Il y en a d'autres. Et Hind, voilà. At-tadrib al-thalith. Troisième exercice. Akmil al-jumal ta'aliyata bayna qawsayn kama fi an-namudhaj. Donc complète tes phrases suivantes, entre parenthèses, comme dans l'exemple, dans le modèle. يقول الشجرة الطول. Donc là, le mot شجرة, l'arbre, et طول, sa longueur. تقول تمتاز هذه الشجرة بالطول. Que cet arbre se distingue par sa longueur. تفضل الغابة Al-Arjaru al-Aliya, yani la forêt, les arbres onéreux, chers, ou plutôt élevés. Tamtaz. Afwadna, c'est Aliya, c'est pas Ghaliya. Aliya, c'est les arbres yani élevés, comme par exemple, je sais pas moi, les grands arbres. Ah, mince, c'est génial. Tamtaz al-Ghaba. Hadhihi al-Ghaba, bil-Ajal al-Ghaliya. Aliya. Non, cette forêt se distingue par ses grands arbres, par les grands arbres. الغلاف القوة. تمتد هذا الغلاف بالقوة. نعم. Cette couche, cette couverture, ça dépend ce que tu veux dire. Se distingue par sa solidité, sa force. On va dire là, c'est plutôt solidité. القارة كثرة السكان. Continent. Grande multitude d'habitants. تمتد هذه القارة بكثرة بكثرة السكان. نعم، ce continent se distingue par son grand nombre d'habitants. الطهي السهولة. الطهي c'est la cuisson. السهولة c'est la facilité. تمتد هذا الطهي بالسهولة. الخشب القوة. Khashab c'est le bois, le kouwa c'est là on va dire la solidité. Non, ce bois se distingue par sa solidité. El hablu est toul, la corde est toul, la longueur. El halwa est ta'amu al lazidu, la confiserie, on va dire alimentation délicieuse. الحلوى ايوه حلوى بالطعم اللذيذ المحصول الكثره المحصول c'est une chose trouvée obtenue d'accord un produit profit non Ça dépend du mot que tu vas employer. Tu vois, par exemple, là, quand tu parles du Jawz al-Hind, il veut dire par là un produit, tu vois, une chose que tu trouves dans un pays. Naam. Tamtaz al-mahsoul bil-kathra. نعم طيب وصلت لك والباقي ان شاء الله سنكمله يوم السبت باذن الله في سؤال تدرب خميس خميس ايوه اكمل مستخدما مثل أو يشبه كما في النموذج. C'est bon, tu n'as pas compris. شجرة جوز الهند النخل. شجرة جوز الهند يشبه النخل في طوله. Que le cocotier ressemble au palmier dans sa longueur. Ah là. والحمد لله رب العالمين مع تحية دمام افاف.com